Enseignement par le Vénérable Sayadaw Unanujota Bivansa, retraite de méditation Vipassana 2019, centre d'Amarancy. Le Bouddha enseigne qu'il y a cinq causes qui mènent à l'illumination. Il a enseigné les quatre méditations protectrices qui vont nous permettre de pratiquer paisiblement et calmement. Par ailleurs, si on détient les cinq causes qui mènent à l'illumination, nous comprendrons tôt ou tard qu'à l'intérieur de nous, il n'y a jamais que des phénomènes physiques et mentaux qui sont impermanents et qui sont reliés entre eux par un lien de causalité. Il y a donc cinq causes pour l'illumination. La première, c'est la foi ou confiance. Nous devrons avoir foi dans l'illumination du Bouddha et nous devrons également avoir foi dans sa sagesse. Pour des non-bouddhistes, des personnes qui ne sont pas nées dans cette tradition, ce sera peut-être un peu difficile d'avoir foi dans le Bouddha. Vous qui êtes ici, avez-vous foi dans le Bouddha? Qu'en pensez-vous? Si vous n'avez pas vraiment foi dans le Bouddha, pour y arriver, il faudra tout simplement que vous pratiquiez plus. Vous devrez participer à des retraites de plus longue durée. C'est la même chose lorsqu'on est malade. Si votre maladie persiste, il faudra que vous preniez encore des médicaments. Il est donc possible que vous n'ayez pas foi à 100% dans le Bouddha. Mais il faut que vous ayez foi dans la loi du karma. Vous devez croire qu'un acte positif amène un effet positif et qu'un acte négatif amène un effet négatif. C'est la même chose dans le domaine physique. Si vous prenez une nourriture de bonne qualité, vous pourrez vous maintenir en bonne santé et tout simplement vivant. Mais si la nourriture que vous mangez n'est pas de bonne qualité, il est possible qu'elle vous fasse tomber malade et que vous perdiez votre bonne santé. Dans la société, il y a des personnes qui prononcent des paroles positives et qui font des actes positifs. Il y en a d'autres, par contre, qui ne prononcent pas ces paroles positives et qui ne font pas ces actes positifs. Et ces derniers sont les plus nombreux. Mais pour un méditant, ce ne sera pas la même chose. En général, les yogis ont l'esprit très pur. Ils s'abstiennent d'actions négatives, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de la parole. Vous devez donc croire dans le fait que si votre esprit est pur et que vous faites des actions positives, que vous prononcez des paroles positives, les résultats seront positifs également. Mais si c'est le contraire, que vous faites des actions négatives, que vous prononcez des paroles négatives, les effets seront négatifs également. Vous devez avoir foi dans cette loi du karma. Voyez par vous-même où vous en êtes à ce sujet. Si vous constatez que vous prononcez des paroles positives et que vous faites des actions positives, votre méditation va pouvoir progresser rapidement. Si vous y croyez à 100%, votre méditation va pouvoir progresser à 100%. Si vous n'y croyez qu'à 50%, votre méditation ne progressera qu'à 50%. Le chemin Vipassana est jalonné de façon précise. Le méditant va développer progressivement les connaissances Vipassana. Mais il y a des causes pour y arriver. La première de ces causes, c'est donc Saddha, la foi ou confiance. Et c'est la cause la plus importante. Si vous entreprenez un travail, quel qu'il soit, il faut que vous y croyiez. Si vous n'y croyez pas, si vous n'avez pas foi dans ce que vous faites, vous n'obtiendrez pas de résultat. Ici, les méditants récitent tous les matins les qualités du Bouddha. Si vous avez foi dans ces qualités, vous pourrez progresser rapidement. Mais si vous n'avez pas foi dans ces qualités, ne vous en faites pas, car pour des non-bouddhistes, ce sera parfois difficile d'avoir foi dans le Bouddha et dans ses qualités. Par contre, ils peuvent très bien avoir foi dans le Dhamma, dans son enseignement, dans la pratique, et cela va leur permettre d'atteindre la libération. Vous récitez donc tous les matins les qualités du Bouddha, mais vous récitez également les qualités du Dhamma. Le Dhamma du Bouddha est bien exposé. Le Dhamma doit être compris à fond. Les résultats sont immédiats. Il mérite d'être expérimenté directement par soi-même, etc. Ces qualités doivent être bien comprises. C'était donc la première cause qui mène à l'illumination, la foi ou confiance, que ce soit dans le Bouddha ou dans le Dhamma. La deuxième cause pour atteindre l'illumination, c'est la santé. Vous devez être en bonne santé. De nos jours, très peu de gens peuvent prétendre être en bonne santé, avoir une santé parfaite. Mais ici, dans ce contexte, lorsqu'on parle d'une bonne santé, il s'agit tout simplement de manger, de boire et de dormir de façon satisfaisante. Si donc vous digérez facilement et que vous dormez bien, vous pouvez vous considérer comme une personne en bonne santé dans ce contexte. Il y a parfois des gens qui participent à des retraites de méditation et dont la santé n'est pas parfaite. Il peut même arriver que certaines personnes soient malades. Ces personnes vont peut-être comprendre que leur maladie est due à des actions passées négatives qui portent leurs fruits, qu'elles sont en mesure d'accepter ces résultats négatifs et qu'au moment de mourir, elles atteignent l'illumination. S'il est en bonne santé, le méditant pourra développer les connaissances vipassana, il pourra expérimenter piti la joie, sukha le bonheur. Si vous êtes en bonne santé, vous pourrez pratiquer facilement, paisiblement, vous expérimenterez piti la joie, sukha le bonheur. Le sang va devenir très pur, la circulation sanguine se fera très facilement. Et il est même possible, pour certains, de se guérir d'anciennes maladies. Ces méditants pourront affronter la mort paisiblement et sans anxiété. Un non-méditant n'aura en général pas ce courage et ne pourra pas affronter la mort aussi paisiblement qu'un méditant. Ils mourront en état de peur et d'anxiété, et tout ceci ne sera pas de très bon augure pour leur vie future. Si donc vous détenez ces deux premières qualités, la santé et la foi, vous pourrez méditer paisiblement, progresser rapidement dans vos connaissances vipassana, expérimenter piti la joie et sukha le bonheur. Votre circulation sanguine va devenir très pure et vous pourrez vous guérir de certaines maladies. La méditation sera devenue pour vous un médicament. La santé est donc la deuxième cause pour l'atteinte de l'illumination, mais cette santé parfaite est cependant relative. Il suffit de manger, de boire et de dormir facilement. Il n'est donc pas indispensable d'avoir une santé parfaite. Mais bien sûr, si votre santé est très bonne, vous pourrez pratiquer d'autant plus facilement. Sayadaw vous rassure car il a pu constater que vous tous qui êtes ici, vous mangez bien, vous buvez facilement et vous dormez paisiblement. Si vous détenez cette deuxième qualité, la santé, telle qu'elle vient d'être définie, vous pourrez pratiquer sans anxiété par rapport à un manque de sommeil éventuel. Vous pourrez pratiquer 2 heures d'affilée alors que d'autres qui n'ont pas cette qualité ne pourront tenir que pendant 1 heure. Vous pourrez vous lever à 3 heures du matin alors que ceux qui sont en moins bonne santé que vous ne pourront se lever qu'à 4 heures. Il y a une histoire dans les Écritures à ce propos. Il y avait un homme du nom de Dameka Upasaka. Il faisait partie d'un groupe de 500 personnes qui se rendaient quotidiennement chez le Bouddha, qui vivait très éloigné d'eux. Il se rendait donc tous les jours pour entendre les enseignements du Bouddha. Lorsqu'il atteignit un âge avancé, il n'était plus en mesure de se rendre chez le Bouddha. Il décida donc de pratiquer chez lui. Il réfléchissait aux enseignements qu'il avait entendus, mais il n'était pas satisfait, car le contact direct avec le Bouddha lui manquait. Il demanda donc à un de ses amis de moines de se rendre chez le Bouddha et de l'inviter à venir chez lui. Le Bouddha envoya alors un de ses représentants pour donner au vieil homme un enseignement. Le vieil homme demanda à ce moine de choisir pour lui un enseignement approprié. Le moine lui conseilla d'écouter le Satipatthana Sutta, le sermon sur les 4 fondements de l'attention. Il lui recommanda ce sutta car la section concernant les ressentis désagréables, Vedana Nupassana, est particulièrement recommandée pour des personnes qui souffrent et qui sont dans l'état de ce vieil homme. Les personnes âgées qui approchent de la mort devront toutes expérimenter ce genre de Vedana, de sensations désagréables. Le vieil homme était très âgé, proche de la mort, mais il avait foi dans le Bouddha, dans le Dhamma, dans le Sangha. Il était donc capable d'écouter attentivement l'enseignement et de le mettre en rapport avec ses propres expériences. Il écouta donc très attentivement le sutta que récitait le moine, développa progressivement toutes les étapes de connaissance vipassana. Il pratiquait tout en écoutant l'enseignement et finalement il mourut ayant atteint l'illumination. Par sa réalisation du noble Dhamma, il avait fermé définitivement les portes des mondes inférieurs. Son avenir dans le samsara était assuré. Vous qui êtes ici, vous êtes certainement en meilleure santé que ce Dameka Upasaka. Vous avez de l'énergie, votre viriya est d'un très bon niveau. N'hésitez donc pas à fournir un gros effort au cours de cette retraite et à faire preuve de beaucoup d'énergie. Vous devez prendre cette résolution. Vous êtes tous en très bonne santé. Vous avez l'énergie. Prenez la résolution de faire l'effort. Demain, Sayadaw parlera des 3 niveaux d'énergie. 3 types d'énergie que le méditant devra fournir au cours de son cheminement. Sayadaw insiste pour vous dire que vous êtes capable d'atteindre l'illumination dans cette vie même, étant donné que vous êtes en bonne santé et que vous disposez de cette énergie de qualité. Essayez de travailler du mieux que vous le pouvez. Sayadaw vous souhaite à tous d'atteindre l'illumination. Sadhu, sadhu, sadhu.